À moi. Bon, ben, bonjour à tous, merci de me donner la parole. Donc, comme le disait Natividad, je vais aujourd'hui évoquer la question donc, des droits des Turcs et des forçats des galères de Marseille pendant le règne de Louis XIV. Bon, le PowerPoint arrivera, c'est pas très grave. Donc, les galères, bon, c'est un sujet assez connu. André Zisberg a travaillé, a publié un ouvrage important sur la question. Donc, elles deviennent une institution militaire qui devient permanente. Dans les années 1670, sous le ministère de Colbert. Ah, pardon, il est là. Il est là. Pardon. Donc, l'institutionnalisation de cette flotte qui donc intervient dans les années 1670 passe par principalement la création d'un arsenal à Marseille. Le diapo est là. Voilà. Et donc, on voit sur ce tableau de Jean-Baptiste Rose, et ensuite par la généralisation de la peine des galères. Donc dans une circulaire publiée par Colbert en 1670 au juge des tribunaux royaux, il ordonne qu'il faudrait condamner le plus de criminels qu'il se pourra pour remplir les churmes. Donc la flotte des galères se compose de deux catégories de population. Donc d'abord les forçats, qui font l'objet du livre de Zisberg. Donc sur la période 1680-1748, ce sont 60 000 hommes qui sont parqués sur les galères. Et qui sont donc des sujets du roi pour la grande majorité, donc des condamnés, donc de droit commun, et aussi pour moitié de déserteurs, donc de soldats qui sont condamnés par les juridictions militaires. Ce sont aussi ce qu'on appelle les Turcs. Donc il y a un article ancien de Pierre Boyer sur la question. Donc là, les chiffres sont moins précis, mais sur la même période, c'est environ 10 000 personnes qui sont elles aussi parquées sur les galères. Donc ils sont principalement des musulmans, mais on trouve aussi des juifs dans l'eau. Et qui sont eux originaires de toutes les provinces de l'Empire ottoman, avec différentes catégories. Donc il y a à la fois les esclaves achetés sur les marchés méditerranéens, mais aussi les captifs, donc qui sont pris dans les guerres de course. Donc au total, environ 70 000 personnes, 70 000 hommes sur cette période, avec un taux de moyen de mortalité de plus de 50%. Donc au total, au moment de l'apogée de la flotte des galères à Marseille en 1700, on compte environ 10 000 galériens dans le port simultanément, ce qui représente environ 15 voire 20% de la population marseillaise. La question que je vais me poser aujourd'hui, c'est dans quelle mesure donc l'appartenance au corps des galères permet-elle la revendication de droits catégoriels à ses membres serviles ? Donc dans un premier mouvement, je vais essayer de montrer comment justement cette appartenance au corps des galères permet une condition commune d'asservissement aux différents membres, qu'ils soient forçats ou turcs. Et dans un second temps, je vais essayer de montrer comment les conditions des turcs et des forçats se distinguent en pratique sur les galères. Donc le royaume de France, depuis le 7e siècle, l'esclavage est interdit dans le royaume de France, et depuis 1315, donc l'édit Louis X, le royaume de France est constitutionnellement défini comme une terre de liberté. Or, différentes catégories de rameurs connaissent différents attributs serviles, que ce soit les sévices physiques, le fouet, la pendaison arbitraire, qu'il s'agisse de la mise à la chaîne ou des pratiques de rachat, aussi bien pour les forçats que pour les Turcs, on paie le prix d'un esclave pour pouvoir être libéré. Donc cette impression est confirmée dans les archives, donc cette impression de communauté de conditions. Dans tous les règlements, qu'ils soient municipaux ou royaux, on retrouve en fait toujours l'expression « Turcs et forçats » pour toutes les réglementations. Donc, certes, on a toujours deux catégories qui sont distinguées, mais systématiquement regroupées avec un même ensemble de droits, que ce soit sur les galères ou dans la ville. Donc, pour tenter de saisir les spécificités de la condition des forçats, tout d'abord, je vais essayer de me concentrer sur les catégories juridiques qui sont mobilisées dans les sources et par les principaux producteurs des sources de mon enquête. Donc, une première trace que j'ai retrouvée dans les archives municipales de Marseille et qui a été produite par les échevins de la ville. Donc ils se plaignent à ce moment-là de la présence de nombreuses femmes de forçats en ville. Donc ces femmes sont protégées par un règlement des galères qui les autorise à rejoindre leur mari. Et donc ils catégorisent les forçats comme des gens confisqués corps et biens. Donc en ce qui concerne les différentes formes historiques de travail forcé dans les colonies, notamment, différents travaux montrent clairement la façon dont les statuts des travailleurs forcés sont construits à partir de relations, enfin en tout cas à partir de relations de travail asymétriques qui existent dans le royaume. Donc je pense notamment à l'ouvrage de Myriam Cotillas et Arlette Farge, qui montre bien justement comment la condition des esclaves dans les Antilles est construite à partir des rapports de domesticité dans le royaume de France, mais aussi à à l'article d'Alessandro Sanziani, justement qui montre bien comment le louage de service ou le statut des marins d'ancien régime a permis de constituer la catégorie des engagés dans l'île de la Réunion en l'occurrence. Donc cette catégorie de gens confisqués corps et biens, on la retrouve, enfin j'ai pu en retrouver la trace dans cet ouvrage de Cardin Lebret, qui est un juriste consulte de Louis XIII, donc début du 7e siècle. Donc dans cet ouvrage de la souveraineté du roi, un chapitre intitulé « Des biens des condamnés et des droits que le roi a sur eux » est consacré justement à cette catégorie. Donc on voit ici qu'à l'instar des conditions des esclaves des Antilles ou des engagés de la Réunion, la condition de confisquer des forçats n'est pas produite ex nihilo par l'administration des galères, mais correspond bien à l'actualisation d'un statut plus ancien. En l'occurrence, c'était un statut qui était réservé, dans ce recueil de jurisprudence, cette catégorie de condamnés, de confisqués corps et biens, est en fait mobilisée contre les membres de la noblesse qui sont condamnés pour crimes de lèse-majesté, qu'on retrouve notamment dans la période des guerres de religion. Donc nombreux sont les nobles qui ont été condamnés à cette confiscation de corps et biens. Donc cette confiscation a pour principale ambition de briser le lien de parenté existant entre le coupable et ses descendants, en confisquant donc au profit du roi la matière dont est fait ce lien de parenté, l'héritage. Donc privé de sa capacité à transmettre ses biens, mais aussi d'en recevoir, le condamné est ainsi exclu tout d'abord de sa communauté d'appartenance primaire, la famille, et du même coup de la communauté politique du royaume. Donc cette confiscation produit ainsi une condition de déchéance sociopolitique. Donc cette condition de confiscation permet dans un premier temps de justifier du coup cette condition servile qui est réservée par le roi à ses propres sujets sur le territoire métropolitain. Un second élément qui me paraît déterminant pour rendre possible ce qui apparaît du coup comme une violation de l'édit de 1315 tient à mon avis à l'espace même des galères. Donc les galères sont l'unique lieu de résidence des forçats et constitue, à mon sens, un lieu politique où seuls les règlements édictés par l'administration des galères sont légitimes. De plus, même l'équipement au sol, donc l'arsenal, qui est situé sur un terrain acheté par l'administration des galères et qui est extérieur aux juridictions royales et locales compétentes à Marseille et son terroir. Donc, je fais l'hypothèse que les galères, donc conçues comme l'arsenal, etc., et tout le dispositif, le complexe territorial, constitue donc une enclave extraterritoriale située au port d'une ville franche, elle-même située dans une zone qualifiée de terre adjacente et à la frontière du royaume, et qui permet du coup de déroger à cette qualification de terre de liberté pour le royaume. Donc on peut conclure dans un premier temps que les galères constituent un support d'appartenance pour ses membres, les galériens, mais aussi les gardes et les soldats, et déterminent ainsi les droits et les contraintes qui pèsent sur eux. Nous allons voir désormais comment du coup ces conditions néanmoins, leurs conditions, ce n'est pas simplement un statut qui est figé, rigide et qui va rester identique pendant les 70 ans qu'elle passe à Marseille, mais sont bien le résultat d'une condition négociée. Donc une deuxième trace qui éclaire la condition des galériens est extraite d'un mémoire secret datant de 1705. Donc il s'agit d'un document, comme vous le voyez, composé de deux colonnes, successivement remplies par l'intendant général des galères et le ministre de la Marine. Donc il passe en revue toutes les catégories de personnel des galères. Et donc à la catégorie chiourme, donc qui concerne les Turcs et les forçats, le ministre, qui écrit sur la colonne de gauche, débute son texte par ces mots. Les forçats et esclaves étant morts civilement, ils ne peuvent faire de testament qui ne soit nul. Donc cette phrase qui renvoie très explicitement à une situation de déchéance politique radicale, et donc cette catégorie de mort civile est reprise dans l'article Galère qui est rédigé par Boucher d'Argis dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, où on peut lire que après la peine de mort naturelle, celle, et celle de la question, la plus rigoureuse est celle des galères perpétuelles, laquelle emporte mort civile et confiscation de biens. Néanmoins, une première distinction entre les galériens apparaît, et l'auteur de la notice, donc Boucher d'Argis, distingue immédiatement les condamnés à temps, pour un temps limité. Donc, et dans ce cas-là, dans le cas des condamnés à temps, la condamnation n'emporte, pour le coup, ni mort civile, ni confiscation. Donc le lien intrinsèque entre citoyenneté, donc entendu comme la capacité à jouir de droits politiques dans un espace donné, et la transmission, donc est justement au cœur de la proposition forte qui fait l'objet de différents travaux de Simona Cerutti, évoquée par Natividad déjà, et qui a été donc systématisée dans son ouvrage « Étranger, étude d'une condition d'incertitude dans une société d'ancien régime » paru en 2012. Donc l'entreprise est un peu hardie, mais je vais tenter de résumer un des arguments principaux, un des arguments centraux de cette proposition. La capacité à hériter ou à transmettre des biens fonde les droits d'un individu localement et peut être revendiquée par le biais d'une série d'actions dont la valeur juridique est totalement reconnue dans les sociétés d'ancien régime. Alors par exemple, l'exemple qu'elle prend, c'est le fait d'agir publiquement comme le propriétaire d'un champ, en y cassant des branches, des mottes de terre, etc., peut constituer une preuve suffisante pour qu'un tribunal reconnaisse l'appropriation d'un terrain vacant par un étranger, et ainsi l'appartenance locale de ce dernier. La distinction entre étranger et citoyen ne dépendrait donc pas tant d'une identité géopolitique prédéterminée par le lieu de naissance, que d'un défaut d'inscription locale, notamment marqué par des capacités de transmission restreintes, c'est le cas des femmes notamment, voire inexistantes, comme dans le cas des galériens condamnés à perpétuité. Et comme ces capacités de transmission dépendent notamment de l'action d'individus ou de groupes, on peut en conclure que la condition socio-juridique des individus est alors profondément incertaine. Et c'est justement cette incertitude que les sources donnent à voir. En effet, un certain nombre de documents, des mémoires, des lettres, des suppliques, etc., majoritairement issus des correspondances de l'administration des galères, font apparaître les négociations constantes qui charpentent progressivement différentes catégories de galériens et les droits qui leur sont respectivement octroyés. Donc la question de la capacité des galériens à transmettre leurs biens constitue le premier lieu de cette distinction et occupe ainsi l'intégralité de l'échange entre le ministre de la Marine et l'intendant des galères sur la source qu'on pouvait voir tout à l'heure dans le mémoire secret. Donc il ne s'agit pas simplement d'une lubie d'historien, mais c'est effectivement la seule chose dont on discute quand l'intendant des galères et le ministre de la Marine parlent de la condition des forçats. Ils ne parlent que de leur capacité de transmission. Donc étant donné le taux de mortalité sur les galères, on comprend bien que la question des testaments soit centrale. Et outre les nombreuses plaintes et réclamations dont cette question fait l'objet, tant de la part des galériens que de leurs familles, on retrouve de nombreuses lettres écrites par les familles aussi des galériens pour revendiquer ces héritages de galériens, l'intendant relève que malgré leur incapacité statutaire, les forçats se sont mis depuis quelque temps sur le pied de faire des testaments en faveur des argousins et autres bases officiers, donc ce sont les gardes et leurs surveillants avec lesquels ils sont en contact direct. Bon, si la chose n'est pas explicitée, il ne donne pas la raison de ces pratiques, on peut imaginer que la production testamentaire constitue une innovation dans les pratiques de corruption qui organisent largement la vie sur les galères. Quoi qu'il en soit, le ministre de la Marine tente de trouver une solution pour contrecarrer ces pratiques et décide de créer une fondation, un établissement dans le cadre de l'hôpital des forçats, où donc chaque forçat qui entre à l'hôpital doit déposer l'ensemble de ses biens à l'écrivain de l'hôpital et qui est chargé d'en faire registre. Et si les forçats décèdent à l'hôpital, c'est l'écrivain qui récupère ses biens et qui appartiennent du coup au roi comme des biens vacants. Enfin, c'est l'application du droit d'aubaine sur les galères. Donc, à travers cette pratique, tous les galériens sont traités à la même enseigne, qu'ils soient turcs, forçats, condamnés à temps, condamnés à vie. Tous, du coup, tous leurs biens deviennent vacants à leur mort. Seule une exception est prévue par le ministre. Donc le cas qui n'est du coup pas encore décidé et qui à mon avis n'est pas sans difficulté, c'est dans celui d'un testament fait par un forçat qui aurait passé le temps de sa condamnation. Zisberg montre très bien la différence qui existe entre le temps théorique de condamnation et la durée réelle des peines, qui, nombreux forçats qui sont condamnés à 2 ou 3 ans, qui passent 15 à 20 ans. Et donc, pendant ce laps de temps, la question du coup de leur capacité à transmettre se pose. Nous sommes en 1705 et aucune solution n'a encore été trouvée à ce problème, mais un autre document daté de 1708, soit 3 ans plus tard, nous permet de voir la profonde évolution qu'entre-temps connue la situation. Il s'agit d'une lettre écrite par le même ministre au même intendant, transmettant les ordres du roi suite à divers incidents. Ce dernier a décidé que le roi a décidé que d'une part, les forçats condamnés à temps seraient désormais totalement libres de transmettre leurs biens. Il décide ensuite que les forçats condamnés à perpétuité, quant à eux, restent dans la stricte incapacité de les transmettre. Ils sont morts civilement et la situation ne change pas. Concernant les Turcs, désormais, eux aussi dans la capacité de transmettre, selon les dispositions du mémoire de 1705, le nouveau règlement distingue deux catégories. Donc tout d'abord les convertis, qui disposent d'une grâce royale. Donc je vous cite, le roi veut aussi qu'on laisse aux Turcs faits chrétiens les effets de ceux d'entre eux qui meurent. C'est une grâce qu'elle accorde en faveur de leur changement de religion. Et on note d'ailleurs que ces héritages du coup deviennent collectifs. On parle de partage des biens et on peut imaginer que le partage de ces héritages permette le rachat des Turcs convertis. Enfin, pour les Turcs non convertis, esclaves ou captifs, il est écrit « Les effets des Turcs qui meurent lui appartiennent sans difficulté, donc appartiennent au roi sans difficulté, parce qu'ils sont esclaves, mais elle veut bien, par grâce, les laisser aux autres Turcs et en user comme par le passé. » Ce qui est encore plus intéressant pour notre propos, c'est la justification de cette grâce qui est offerte aux Turcs. Donc l'incident survenu au sujet des effets laissés par un Turc mort, que les autres Turcs ont prétendu devoir leur être abandonnés, suivant l'usage qui se pratique, tant à Marseille qu'en Barbarie, à l'égard des esclaves chrétiens. Donc trois éléments apparaissent ici clairement. Tout d'abord, le fait que l'établissement du ministre a constitué seulement une parenthèse, entraînant une importante perte de droits pour les galériens, mais qui a été contrecarré rapidement par le roi, et du coup, suite à de nombreuses plaintes et revendications. Donc voilà. Ensuite, le deuxième point, c'est l'impact de ces négociations et des revendications collectives des esclaves et des forçats dans l'amélioration de leurs conditions. Enfin, le principe de symétrie qui structure les relations entre Versailles et la Sublime Porte et dont les esclaves ont appris à se servir. Les esclaves des galères ont une correspondance soutenue à la fois avec le ministère de la Marine à Versailles ou à Marly, peu importe, et avec leurs propres autorités d'origine, que ce soit Alger, il y a beaucoup d'Algérois, mais aussi avec Constantinople, etc. Donc les esclaves jouent en permanence de ces relations diplomatiques. On a beaucoup de lettres dans les archives de la marine reçues par les consuls d'Alger, etc., qui réclament des droits pour les esclaves et qui font en permanence valoir la réciprocité, à savoir le traitement des esclaves turcs va être soumis au traitement des esclaves chrétiens et inversement. Donc on voit quatre catégories de galériens qui sont alors créées par le roi, dont une seule, celle des forçats condamnés à perpétuité, qui reste dans la stricte incapacité de transmettre ses biens. Donc on voit que le statut des individus n'est pas définitif, mais constitue bien un potentiel à actualiser. Et d'autre part, comment les galériens et l'administration des galères participent ensemble à produire et à hiérarchiser plusieurs sous-groupes parmi les rameurs. Donc la transmission n'est évidemment pas le seul droit auquel donne accès l'appartenance à un lieu. Le droit de travailler et de produire en constitue un second, lui essentiel. C'est 2030, donc ça va être très très vite. Le droit au travail, la question du droit au travail, de l'obligation au travail, tous les galériens sont obligés de travailler sur les galères. Je voulais juste aborder très rapidement la question des baraques des forçats. En 1700, on a 320 baraques en bois autoconstruites par les galériens qui sont sur pilotis tout au long du port. Ce sont les petites baraques qu'on voit tout le long du quai. Et juste un point, encore une fois, ces baraques sont extraites des juridictions locales, profitent de cette situation d'extraterritorialité et du coup constituent un marché totalement libre, totalement libéré des contraintes corporatives, etc. Donc ce qui conduit, vous l'imaginez bien, à de nombreuses réclamations des corporations locales, à des destructions, les pêcheurs les jettent dans le feu, etc. Donc ça crée toute une tension importante et l'administration passe les 20 ans, en tout cas tout le temps où elles sont installées, à défendre ces baraques. Le seul élément que je voulais vous citer, c'est suite à une plainte de l'évêque à propos des libertés laissées aux esclaves turcs dans les baraques, le ministre lui répond « À l'égard de la liberté que les Turcs ont dans leurs baraques ou d'aller dans les maisons particulières, qui est une occasion de crime, il est assez difficile de la restreindre. Ils tombent malades de fantaisie ou cherchent à se sauver lorsqu'on la leur ôte. C'est une perte pour le roi qu'on ne répare point aisément. » Donc on voit que malgré cette condition de servitude qui marque l'ensemble des forçats et l'ensemble des galériens, je veux dire, et même ces esclaves turcs achetés sur les marchés, ils ont toujours des moyens de revendiquer des droits et de les faire valoir, et du coup arrivent à faire valoir un rapport de force constant avec l'administration des galères, avec leurs gardes, etc. J'en arrive à la conclusion. Je voulais aborder le dernier point dans le titre, à savoir la question des droits de cité, des droits dans la ville. Donc, je n'y arrêterai pas, mais on voit que très rapidement que les forçats libérés donc, ont le droit, la libération des forçats leur permet de devenir des citadins de Marseille, donc de jouir des droits des natifs. La municipalité s'oppose à cette prérogative des forçats pendant une dizaine d'années. Ils arrivent à obtenir des règlements qui les excluent. Finalement, c'est le principal officier des galères qui arrive à contourner ces règlements en produisant du coup un rapport de dépendance, un rapport direct de protection sur les forces à libérer et du coup à leur créer des droits. Donc des droits qui sont fragiles, incertains parce qu'ils dépendent de cette protection, mais néanmoins efficaces. Le deuxième cas, c'est celui des Turcs convertis qui ont pu se racheter et du coup entrer en ville. Là, leurs droits à eux se construisent justement au moment de l'acte de baptême, par l'entrée dans la parentèle des parrains, enfin du parrain dont il prend le nom, et partiellement par la marraine qui lui offre un cadeau au moment du baptême et qui constitue, à mon sens, qui fonde sa capacité à hériter et à transmettre et du coup lui offre des droits de citoyenneté dans la ville. Je m'arrête.